I'm gonna go get some more. C'est vendredi, 19h, LDT, c'est moi, Thérèse, avec vous. Jusqu'à 20h30, nous allons voyager, et bien jusqu'où? En tout cas, le Portugal, il ne sera pas oublié dans cette émission. Nous allons bien fonctionner aujourd'hui, c'est sûr. Je me disais qu'il avait fait quand même, malgré les prévisions de pluie, une belle journée aujourd'hui. Hein. Puedes hacer de todo, solo no me dejes solo, eso no es normal. Alors, aujourd'hui, vendredi 18 octobre 2019, et nous sommes dans la journée européenne de lutte contre la traite des êtres humains, Dia Europeu de Luta contra o Tráfico de Seres Humanos, hoje, é sexta-feira, 18 de outubro de 2019. Te juro que si abrimos la botella, sé que es difícil, mas tem que acreditar en mí. Ese ciúme no faz sentido, sou dela apenas amigo. Depois da noite que passamos juntos, entre palavras e outros assuntos, eu não seria capaz de magoar assim a minha dama. Se você acende a chama, quero casar contigo. Puedes hacer de todo, solo no me dejes solo. Eso no es normal, te juro que ni abrimos la botella. Puedes hacer de todo, solo no me dejes solo. Eso no es normal, te juro que no pasó nada con ella. Porque te amo. Para toda mi vida, tú eres la mujer que para siempre voy a amar, voy a amar. Te juro que te haré feliz. Puedes hacer de todo, solo no me dejes solo. Eso no es normal, te juro que ni abrimos la botella. Puedes hacer de todo, solo no me dejes solo. Eso no es normal, te juro que no pasó nada con ella. Puedes hacer de todo, solo no me dejes solo. Eso no es normal, te juro que ni abrimos la botella. Porque te amo. Porque te amo. Te juro que ni abrimos la botella. Je t'ai manqué. Pourquoi tu me visais? C'est bien sûr Alain Vachung que nous écouterons dans cette émission, mais en attendant, je vous avais promis les titres de ce qui va se passer. Voilà, nous allons aujourd'hui, ce vendredi, parler de nouveautés, les nouveaux albums qui sont sortis ou en préparation. On va parler de sport, tourisme, un petit peu en relation, notamment avec Vianne Gestel qui est candidate à cette pour devenir cette grande ville européenne du sport en 2022. Et oui, déjà 2022. Et surtout le surf au Portugal, voilà, beaucoup d'enthousiasme pour cette élite mondiale qui s'est retrouvée à Péniche cette semaine, je crois que c'était mercredi dernier. Et puis surtout cette dame, Ana Mendes Godinho, qui parlait justement de cette importance du surf dans le une grande importance pour le développement du tourisme au Portugal. En ce qui concerne la musique, le Portugal est en France en ce moment considéré comme un pays facile pour organiser des festivals de musique et surtout là, on part au Portugal, on n'est plus en France, mais on parle toujours Portugal avec ce festival Verão Azul, Noirgalve, voilà, avec plus de 30 propositions culturelles. On a aussi des prix de littérature, on va en parler. On a un moment important, très très important, puisque l'UNESCO s'est mis d'accord pour un jour, une journée accordée à titre mondial, ou Dia da Língua Portuguesa, le jour de la langue portugaise. Et puis surtout, on va beaucoup parler de Sofia de Melo Breiner Andersen. Sofia de Melo, voilà, c'est son anniversaire centenaire, là. On prépare son anniversaire centenaire, je crois qu'elle est née un 6 novembre. Et qui est qui aujourd'hui? Eh bien, ne cherchez plus, ce sera Sofia de Melo. Sifflez plus, qui serait l'adversaire? Entre nous, qui serait le plus malin? Et si l'on disait le contraire? Ou si l'on ne se disait plus rien?

on n'oublie pas, parce que voilà, nous sommes dans une un cycle très très important au niveau des commémorations. Amália Rodrigues, l'inoubliable, la diva, on connaît. On connaît ici en France, bien sûr, et elle a aussi, à un moment donné, on a dit qu'elle avait soutenu la dictature au Portugal. Et justement, je lisais un article dans Visão, c'est un magazine très très populaire, on va dire, où on sait un petit peu poser la question, voilà, est-ce que tout ça correspond à la réalité. Et figurez-vous que Fadiz Tamal Rodrigues, accusé donc d'être au service du nouvel État, elle a surtout financé des prisonniers politiques et soutenu la cause antifasciste. Voilà, ça c'est pendant la dictature. Elle n'a pas du tout soutenu les dictateurs, dit-on. Voilà, une enquête publiée aujourd'hui par la revue Vision, un espace biographie. Donc, croyant que Amália Rodrigues avait un fond conservateur, ça, il n'y a pas de aucun doute, disait David Freire, qui est un ancien éditeur discographique et fils du poète David Molon Freire, donc il y a un fils qui affirme dans ce reportage de ce magazine que la fadiste était une grande intelligence, d'un esprit très très ouvert, et que les esprits ouverts ont l'attirance naturelle de la liberté et n'acceptent pas qu'il en soit autrement. Voilà. En 2020, on fêtera donc le centenaire de la naissance de Amália Rodrigues. C'est aussi en parlant littérature, on disait que j'avais parlé de titres de cette semaine. Voilà, ce qui avait marqué la semaine. Et on prépare un autre centenaire, qui est celui de Sophie de Merleau-Brain. Et Sophie de Merleau-Brain, qui aurait 100 ans, là, au mois de novembre, eh bien, elle a surtout une très très belle poésie. Après avoir écouté, voilà, ça, vamos juntar, vous, Pedro Munhoz, si j'arrive, voilà, je crois que je vais. Eh bien, on parlera de Sophie de Merleau-Brain, parce que j'adore. Thank you. finalement, au Pedroñas, ce sera tout à l'heure, puisque Teresa Salgueiro, voilà, est venue avant. Et c'est très bien ainsi, puisque nous allions parler, j'arrêterai de dire puisque, promis, j'espère que c'est la dernière fois que je vais le dire pendant l'émission, j'évite de... être répétitive, et pourtant, Sophie de Merleau-Brain, où on parlait de dénudement et la nudité de la vie. La nudité de la vie, Sophie de Merleau-Brain, est une œuvre qui parle, bien sûr, en portugais, puisque ça a été traduit par Michel Chandeng. C'est pas, on l'a beaucoup cherché, et dans. Si vous allez sur Internet, si vous cherchez le matricule des anges, ses rédacteurs ont sorti un très beau reportage sur Sophie de Merleau. Ils l'ont fait parler, voilà. Une question, plusieurs d'ailleurs questions, où elle répond très très longuement. Et donc une interview. Il y a aussi cette poésie qui est... tourné vers la mer, vers le grand bleu. Et qui est qui? Alors, qui est Sophie de Merleau-Brain, dont nous allons fêter l'anniversaire centenaire? Cette biographie, elle est sortie aussi là, aujourd'hui. Oui, puisque nous sommes vendredi, alors c'est sorti pour... dans le cadre d'une manifestation, je crois que c'est le Folio, Festival littéraire de Dovidus, et c'est une biographie qui est destinée aux enfants. On cherche toujours à apprendre de la meilleure façon, un peu de façon nouvelle parfois. Donc là, c'est le cas. Nous allons avoir cet ouvrage qui permet de parler de Sophie. Voilà, on lui demande sur la couverture du livre que Ana Maria Magalhães et Isabel Alçade ont écrit pendant environ 6 mois pour montrer aux plus petits la vie et l'œuvre d'une femme marquante pour son temps. Bien sûr, ces deux auteurs, ce que je disais, ont présenté à Folio le Festival littéraire international de Orbit. Alors, ce moment en poésie de Sophie est un peu un voyage, je disais, dans le grand bleu, mais au vide parfois de la tristesse, d'étranges portraits. Ça, c'est dans cette nudité où elle... en résumé de cette œuvre-là, la nudité de la vie, puisque c'est une anthologie, et en résumé, on disait, j'ai eu des amis qui mouraient, des amis qui partaient, d'autres qui brisaient leur visage contre le temps, je hais ce qui était facile. Je me suis cherchée dans la lumière, dans la mer, dans le vent. Donc d'étranges portraits figurent dans cette œuvre, la nudité de la vie, je répète, parce que ça vaut vraiment la peine de passer un peu de temps à le découvrir, des évocations de psaumes, des scènes qui cristallisent en l'heure, la métamorphose du réel, la quête sans espérance d'Eurydice, le passage d'Antinous de l'autre côté du fleuve. Donc tout est dans cette œuvre, dialogue de l'ombre avec la lumière. Alors, qui était véritablement Sophie, ça, c'est vrai que ça prendrait beaucoup de temps pour le dire simplement en quelques minutes, c'est difficile, mais n'empêche que elle avait... elle a des poésies qui sont assez courtes et qui peuvent passer dans cette émission. Sophie de Merleau, elle est née un 6 novembre en 1919 à Porto. Et elle nous a quittés en été, le 2 juillet 2004, il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est une des plus importantes poétesses portugaises du XXe siècle. Il faut savoir qu'elle a été distinguée par le prix Camões en 1999. Elle est la première portugaise à avoir reçu le plus important prix littéraire de la littérature de langue portugaise, et son œuvre recueille Livro Sexto, figure à la 15e place sur la liste des 50 œuvres essentielles de la littérature portugaise. C'est une étude établie en 2016 par o Diário de Notícias. Sofia de Melo, donc je disais, elle est née en 1919, elle nous quittait en 2004, et c'est une des plus importantes poétesses portugaises du XXe siècle. Voilà, la joie d'exister. Il y avait un article, je disais, paru dans le matricule des anges, très exactement au mois de mars-avril en 1997, et ils décrivent Sophie comme une Greta Garbo. Voilà, une Greta Garbo. À la différence de Garbo, Sophia, elle a sa façon d'être une star que tout le Portugal, dit la légende, appelle par son prénom, ne se cache pas derrière des lunettes, mais dans les volutes de fumée, les volutés de fumée, dans ses légères, ses cigarettes très fines et longues, ses yeux semblaient glisser sur le monde sans se fixer sur les détails trop prosaïques de la réalité. Elle serait sans doute la plus curieuse. I put a spell on you. Cause you're mine. Watch out, I like. Whoa. I can stand it. Cause you're going around. I can't stand that. Cause you're putting me down. mai. Alors là, oui, hein, on est avec avec de sous. Sous dealer, en fait, c'est on connaît bien à Radio Arc-en-Ciel. Ils étaient dans un festival d'été il n'y a pas si longtemps. On s'est retrouvé. Pierre Matisse, le vocaliste de qui voilà nous avait on l'avait rencontré et on avait passé un merveilleux moment. J'espère que on pourra d'ailleurs se revoir ici dans les studios. Voilà, pour parler de The Voice, puisque on a aussi parler de Clem Chouteau, on adore sa voix. Et puis demain, surtout n'oubliez pas Christine Portugal, nous connaissons. Christine, elle nous fait une belle surprise, puisque elle va recevoir aussi un musicien qui a participé à The Voice, et ce sera une très très belle émission. Nous vous attendons, j'espère que vous serez nombreux à l'écoute. Clem Chouteau, et demain ce sera Vero Marta. C'est un avis personnel, hein. Je trouve que sa poésie, même si parfois elle reste quand même légère, même en parlant de sentiments sérieux, et c'est peut-être ce que j'aime tout simplement, hein, dans cette c'est un peu cette naïveté parfois que je ressens moi personnellement. Et en lisant sa poésie, je me rencontre un petit peu dans ses descriptions face à la mer. Voilà, mais je dis rien de très très original, puisque nous sommes très très très très très nombreux à nous retrouver dans ces poésies de Sophie de Merle. Et on disait tout à l'heure, on disait même d'elle qu'elle avait quelque chose de Greta Garbo. Et son deuxième recueil, Jour de la mer, en 1945, non, très exactement, 47. Donc il y a bien un Jour de la mer en 1945, 47, affirme l'attraction et la nostalgie qui fait naître en elle le monde grec, voilà, où elle va décrire les dieux Dioniso, la gloire ardente et sereine illumine la danse de l'être, poésie des origines, donc la poésie de cette poétesse cherche l'ordre intact du monde, elle cherche à dire la plage où brillait le premier matin de la création et l'ombre du bois où se sont levées la frayeur et le non-dit de la première nuit. Donc elle cherche le divin dans le terrestre, c'est ça qui est merveilleux, voilà. Donc la poésie de Sophie est une poésie de part en part élémentaire, même quand elle fait méditation sur le temps de l'exil, cette poésie conserve peut-être, la renforce-t-elle d'une certaine façon à sa relation privilégiée, on disait tout à l'heure, à la mer, à la vague, à la roche, au buisson, au vent, au soleil, à la lumière, au sable, à la terre, aux arbres, même quand elle s'en éloignera pour tenter de rejoindre les humains dans les maisons qui les protègent au milieu des villes, qui les cernent et les menacent, le monde, ce monde élémentaire restera présent comme un repère, comme le repère. Donc longtemps, écriture de la solitude, cette poésie a trouvé la place de l'autre, la place des autres, en devenant sous la pression de l'histoire une poésie de résistance, pour finir par les célébrer dans un poème en 1993, voilà, il y a un peu plus de 20 ans. Mais comment sans les amis, sans le partage, l'étreinte, la communion, respirer l'odeur d'algues des marais et cueillir l'étoile de mer dans ma main, donc un constat nostalgique du retrait des dieux, qui répond à la lente élaboration d'un humanisme, d'une éthique esthétique proprement poétique. L'homme devient la mesure de la poésie, qui cherche une relation juste avec la pierre, avec l'arbre, avec le fleuve, nécessairement portée par l'esprit de vérité qui l'anime à chercher une relation juste avec l'homme. Question, comment vous est venu le goût de la Grèce ? Eh bien, elle répondait, quand j'étais jeune, je passais tous mes étés près de la mer. La première fois de ma vie où j'ai lu Homère, c'est quand j'ai trouvé par hasard la traduction de Le Comte de l'île chez un libraire. C'était l'hiver, j'avais 12 ou 13 ans, et tout d'un coup, je me suis sentie en été, et j'ai eu la sensation que la mer était bleue, le ciel bleu. La Grèce est un monde qui a toujours créé en moi une certaine voracité. Dans vos poèmes, vous parlez tantôt de Dieu, tantôt des dieux. Vous écrivez dans un de vos poèmes, les dieux sont absents, et pourtant, ils prédisent. Eh bien, voilà, vous pourrez... ça, c'est une question qu'on posait, et elle disait, c'est quand je prends la voix de Richard Rage, là on est dans l'hétéronyme de Flampso, qui n'est pas tout à fait la mienne, et la narratrice de mon premier conte pour adulte, voilà, l'homme, et on entend résonner dans sa mémoire des paroles, père, père, pourquoi m'as-tu abandonné, etc. Donc vous pourrez lire cette interview si vous surfez sur le net, n'hésitez surtout pas, parce que il y a des très très, c'est une très belle interview de Sophie de Merle O'Brien. Vous n'hésiterez, donc c'est le Matricule des Anges, un magazine littéraire, le Matricule des Anges, voilà. Donc une poésie, traverser avec toi le désert du monde pour que nous affrontions ensemble la terreur de la mort, pour voir la vérité, pour ne plus avoir peur. Contre tes pas, j'ai marché. Pour toi, j'ai quitté mon royaume, mon secret, ma nuit rapide, mon silence, ma perle ronde et son orient, mon miroir, ma vie, mon image, et j'ai abandonné les jardins du paradis. Dehors, à la lumière, sans voile du jour dur, sans les miroirs, j'ai vu que j'étais nue et la plaine était pour nous le temps. Aussi m'as-tu revêtu de tes gestes et j'ai appris à vivre en plein vent. J'écoute, mais je ne sais pas si ce que j'entends est le silence ou Dieu. J'écoute sans savoir si j'entends la sonorité des plaines, du vide ou la conscience attentive qui, des confins de l'univers, me déchiffre et me fixe. Je sais juste que je chemine comme celui qui est vu, aimé et reconnu. Et c'est pour cela que je mets en chaque geste le risque et la solennité. Bien sûr, en portugais, les sonorités sont encore plus intéressantes. Et escute, mas não sei se o que ouço é silêncio ou Deus. Escute sem saber se estou ouvindo o ressoar das planícies do vazio ou a consciência atenta que nos confins do universo me decifra e fita. Apenas sei que caminho como quem é olhado, amado e conhecido, e por isso, em cada gesto, ponho solenidade e risco. Esquece e me ilumina. Preciso de você aqui. Oh, sol, vê se enriquece a minha melanina. Só você me faz sorrir. E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo. Oh, tranquilo. Que assim seja, amém. O seu brilho é o meu abrigo, meu abrigo. E toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai. Toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai. Vai, quem foi, vai, vai, vai. Quem foi? Oh, sol, vê se não esquece e me ilumina. Preciso de você aqui. Oh, sol, vê se enriquece a minha melanina. Só você me faz sorrir. Você vem, tudo fica bem mais tranquilo. Oh, tranquilo. Que assim seja, amém. O seu brilho é o meu abrigo, meu abrigo. E toda vez que você sai, o mundo se distrai. esquece a minha alma e mantenha a minha calma. Não esquece que eu existo e me faz ficar tranquilo. Vem, aquece a minha alma e mantenha a minha calma. Não esquece que eu existo e me faz ficar tranquilo. Ce feuille amour, voilà, c'est, on aura la possibilité d'en parler. Mais là, nous sommes bien à bord. En tout cas, nous voyageons vers le Portugal. Nous commençons tout juste à nous connaître. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h30. Nous, c'est LDT, l'émission L'Air du Temps. Et c'est jusqu'à 20h30. Nous serons ensemble pour parler notamment culture portugaise et musique, pas seulement portugaise. Do lado mais ninguém segura. Sozinho eu não vou seguir sem ti. Vais ter que voltar. Vais ter que voltar. Sozinho eu não vou seguir sem ti. Vais ter que voltar. Vais ter que voltar. Nem no carro falamos mais. Dans l'air du temps, les tendanciels, voilà, il y aurait un moment comme ça, un peu plus fort que les autres, et bien le moment tendanciel, il va encore parler, je ne vois pas comment je pourrais faire autrement, parce qu'on va encore parler de sable et plage. Et bien sable et plage, oui, la grande importance du surf pour... le développement du tourisme au Portugal. On disait en début d'émission, surfistes et élites mondiales se rencontrent à Peniche et pour la première fois, on notait la présence de 3 athlètes portugais. Voilà, donc ça, c'est très très important. La secrétaire d'État au tourisme, Ana Mendes Godinho, a souligné aujourd'hui l'importance croissante de cette industrie, puisqu'on parle de l'industrie du surf au Portugal, notamment grâce à des événements comme le Europe Curl Pro Portugal à Peniche. Et nous aimons, disait-on, avoir les meilleurs dans notre pays, parce que nous considérons comme le meilleur des pays. Attendez, vous allez écouter la suite parce que on n'en reste pas là. Faites comme chez vous, voilà. On nous dit faites comme chez vous et si vous voulez, restez là et ne partez jamais. C'est la secrétaire d'État du tourisme, Ana Mendes Godinho, qui déclarait, soulignant que le Portugal est déjà la 3e destination mondiale de surf et la 1ère destination européenne. Ana Mendes Godinho parlait en conférence de presse de présentation donc de l'épreuve d'élite internationale du surf, donc qui démarre à la plage des Supertubes à Peniche, donc c'est la 10e et avant-dernière étape. C'était du circuit mondial et qui compte donc avec qui comptait et toujours d'ailleurs, parce qu'il s'est quand même Vasco Ribeiro, il s'est bien placé, et ces 3 athlètes portugais, ils ont comme nom Frederico Quiques, Frederico Quiques Moraes, Miguel Blanco et Vasco Ribeiro. Ensuite, une autre tendancielle, MAM. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce festival à Paris. Le Portugal, pays invité, c'est aussi la 10e édition cette année de ce festival à Paris. Donc le MAMA Festival revient pour une nouvelle édition avec une programmation pleine de jeunes talents à découvrir. Donc si aujourd'hui c'est le dernier jour, ce week-end de retour, oui je pense, en tout cas j'ai entendu dire que monsieur le directeur de ce festival, Fernando Ladeiro Marques. Voilà, il en parlait de ce festival comme d'un festival quand même encore avec un petit peu plus que d'habitude. 130 concerts, 10 salles et 3 nuits de fêtes autour de la musique et de la découverte. Donc voilà ce qui est proposé pour cette nouvelle et 10e édition donc à Paris. Le Portugal, c'est là qu'il se présente en France comme un pays facile pour organiser des festivals de musique. Et en tant que pays invité de ce festival à Paris, et des conférences qu'il a ouvert, des conférences de cette rencontre avec qui rassemble plus de 6000 professionnels de la musique en promouvant donc des festivals, les nouveaux sons qui se font sur le territoire national, et la cohérence donc du marché du live portugais, un terrain fertile pour l'innovation de la musique, et qui a ouvert aujourd'hui cet événement qui a réuni des professionnels de la musique, tout simplement, voilà, venus de 50 pays et comptant encore environ 120 concerts, comme je disais, entre 120 et 130 dans plusieurs salles du 18e arrondissement de Paris. En plus, dans cette conférence, c'est là qu'on a noté. Qu'il y aura 5 groupes portugais, des artistes portugais qui se présenteront en direct de cette édition de ce festival. Donc on parle du Pongo. Avez-vous déjà entendu parler de Pongo? J'adore. Ving Ving, Bessiut, Paulo de Pedro, Ma Fama. Voilà, des concerts qui, selon Antonio Miguel Guimarães, montrent le nouveau type de musique qui se fait dans le pays. Voilà, on parle beaucoup de fado, c'est normal, puisque ça caractérise quand même ce Portugal un peu nostalgique. Et où pourrait-on de toute façon chanter le fado ailleurs qu'au Portugal? Voilà, donc ce fado n'est qu'une partie de la musique portugaise, deux générations de musiciens après la révolution, bien sûr, de 74, et des Portugais avec des racines culturelles du monde entier qui se permet de produire un nouveau type de musique, une musique portugaise qui est très très internationale. Voilà, c'est surtout ça qui a été souligné par le promoteur musical au cours de cette conférence. Nunca te quis, menos do que todo, sempre meu amor. Se no céu também és feliz, leva-me e eu cuido sempre ao teu redor. São as flores do meu lugar. Agora que não estás, rego eu o teu jardim. bien sûr Isole avec cette participation qu'elle avait faite très très réussie. J'avais adoré cette chanson. Voilà, au festival Eurovision, si il y en a parmi vous qui s'intéressent à ces concours de chansons. Alors nous parlions de nouveautés. Après les grands moments des sujets de cette semaine, les grands moments lusophones, on a aussi quelques nouveautés qui se font voilà très très remarquer. Surtout une sortie qui est prévue pour mois de novembre, très très bientôt, et c'est Kamané. Voilà, qui nous fait un œuvre, voilà, l'œuvre d'art par excellence, puisque avec le compositeur Mario Leguigne, le nouvel album qui, je pense, s'appelle Soussé, ou voilà, mais on en reviendra au nom, au véritable nom, avec des arrangements de Mario Leguigne et ce fadiste Kamané qui. Ici, c'est calme, voilà, si on pouvait traduire, si je pourrais me permettre, parce que c'est difficile de traduire le nom comme ça voilà, des CD, si on veut, des EP. Mais là, c'est un album qui comprend 5 thèmes inédits, et 2 que Kamané n'a jamais enregistré. Ça a été annoncé par sa maison de disques, et cet album, avec une production musicale, je disais, et arrangement de Kamané et Mario Leguigne, succède à Kamané chante Marceneiro. C'était en 2017. Il avait reçu un très grand prix l'année dernière, le prix Manuel Simões. Et Kamané reprend sur ce CD un thème donc du répertoire d'Alfredo Marceneiro, la Casa da Mariquinha, ce que tout le monde connaît, voilà, gravé pour la première fois. Conquevoche de Luís de Camões, des poésies du répertoire de Amália aussi, de Amália Rodrigues, je ne sois pas en retard, etc. Encore que c'est difficile de dire etc. pour des sujets aussi sérieux, mais voilà, au moins vous pourrez après. On en a parlé un petit peu. Vous pourrez approfondir vos recherches avec ces inédits de ce fadiste qui revient à Fernando Pessoa, dont il a enregistré voilà ce nouveau CD, et ce sera avec beaucoup d'inédits qui Kamané et Leguigne projettent présenter. Alors ce sera pour Noël, voilà, un beau cadeau de Noël en tout cas, puisqu'ils présenteront leur disque le 20 décembre, nos coulisses de Recreio à Lisbonne, et ça arrive très très vite, puisque nous sommes au mois de novembre, bientôt, pas encore, mais voilà, ça valait la peine de s'y intéresser, puisque Kamané, au cours de sa carrière d'environ 40 ans, il a été récompensé plusieurs fois, et ce sera certainement de très très grande qualité. Encore une autre nouveauté, puisqu'on parle de Roberto Carlos, par Raquel Tavares. Roberto Carlos, ce Brésilien qui chante merveilleusement bien, voilà, c'est très très romantique, et il se retrouve à la tête du top national des ventes de l'album, interprété par Raquel Tavares. Alors, nous parlions de Raquel Tavares qui interprète Roberto Carlos à la tête du top national des ventes d'albums, et puis Linda Martini en tête la semaine dernière avec le nouveau nom. Ils sont passés avec un nouveau nom, voilà, elle a un nouveau nom, et ils étaient en premier, ils sont passés en 7e position. Donc ce classement qui est complété par Notion Valiant, et ça c'est un très très beau travail, un grand travail. On va au Portugal, on va certainement beaucoup parler de Sérgio Godinho, qui se trouve quand même en deuxième place de ce classement avec Nelson Valiant et Sergio Goudin. Je le passerai dans cette émission. Et puis ensuite, on a Cristina Branco, Blanc de Cristina Branco en troisième position dans ce classement. On notera des entrées de Merle Mouge, Laurie Anderson. Donc voilà, on va les grands, ceux dont on parle en ce moment. Ricardo Vache, Sergio Goudinho, Cristina Branco, Maria Vasconcelos, Paulo Sousa et Tosé Brito, il a fait une grande entrée avec Memória do Amor, Linda Martini, Dame et Kalema. Voilà. Ça, c'est pour les classements. Et si je parlais de Sergio Goudinho, c'est parce que Sergio Goudinho, il a remporté un prix, le prix de la Société portugaise des auteurs, le SPA, ou le prix Pedro Osório. Et ça, c'est important pour... Donc, oui, je disais, c'est toujours important pour les musiciens. Alors, je voudrais aussi m'excuser, là, je passe à une autre chose, parce que on a eu quelques petits... c'est vrai qu'on est en travaux dans les studios, et... il faut un petit peu s'habituer. Donc il y a peut-être eu quelques petits problèmes techniques, mais j'espère que la semaine prochaine, voilà, tout ça sera terminé, ça sera encore mieux dans cette émission LDT. Donc voilà, donc en gros, on parlait de Sergio Goudinho, qui est un monsieur de 74 ans, mais qui a composé et écrit pour d'autres artistes, impossible de l'ignorer. Donc des spectacles de danse, flamenco futuriste et théâtre, on l'avait dit en début, on va pas approfondir, mais sachez que voilà, ce Verão Azul, 30 propositions de festival international qui se déroule jusqu'au 2 novembre dans trois villes du Algarve, 9e édition de ce festival qui a pris la forme biennale et qui est inspiré par le travail sur la route de Jacques Kerouac et mènera à l'Olef, Faro et Lagos plus de 30 événements dans les domaines du théâtre, danse, musique, performance, art, visuel et cinéma. Ce que j'avais noté d'intéressant finalement, c'était cette... Catherine Sedive qui racontait que la programmation explore les langages plus expérimentaux et que présente d'autres façons de penser l'art et surtout s'intéresse à la façon dont le public et le territoire peuvent se relationner aux artistes. Donc ensuite, Vianna de Costel qui veut devenir ville européenne du sport en 2022. Donc cette mairie de Vianna de Costel qui a annoncé qu'elle avait formalisé la candidature de la capitale de Waltmiño pour la ville européenne du sport en 2022. Donc une ville saine, favorable au sport et à la promotion des modes de vie sains. Et la municipalité est très heureuse de présenter comme un lieu privilégié donc pour la pratique des divers modes, donc des divers sports, depuis le sport de la nature, en passant par les sports nautiques, etc. Donc voilà, on va soutenir cette candidature. L'art du temps qui se trouve dans l'air du temps, c'est pour tout de suite. We'll be right back. parce que ça dientelle ceux qui me connaissent savent, hein, c'est on a, j'adore, mais je ne suis pas là encore la seule, hein, puisque beaucoup de personnes avec qui je parle de Dianton, quelle merveilleuse voix, c'est une Canadienne, on l'entend plus beaucoup, Dianton, hein. Eh bien, voilà, là, on a pu l'écouter, on a pris le temps, mais le temps, l'art du temps qui est dans l'heure du temps, et l'heure du temps, c'est cette émission LDT, il est presque 20h30, il y a beaucoup de personnes autour, là, qui essayent de se placer pour la prochaine émission, l'émission qui arrive, qui est Mavrika, Mavrika avec des lives, les lives des artistes, et moi, j'ai choisi comme artiste Pongo. Pongo, c'est l'ancien, je voulais l'écouter, on l'écoutera un autre jour, mais on fera connaissance avec, pour ceux qui ne connaissent pas, l'ancienne de Boulak et son système, Pongo, qui réussit l'exploit de générer plus d'énergie qu'un groupe à elle toute seule. Son premier album solo est sa propre interprétation du futur de Kudu, qui se réunit, donc qui se nourrit de métissage avec l'électro actuel et d'autres influences. Ils sont en train de faire un tabac en ce moment. C'est à Paris, c'est dans ce festival même, donc MAMA, ce festival international. Ils sont invités, mais Pongo, elle fait vraiment un tabac en solo. Elle fait partie des cinq noms qui ont été mis à l'honneur cette année, aux côtés de Bessiout, Wadalba, Badibanga, mais ce succès donc de son premier single, Tambulaya, cette star angolaise de Kudu, vient sur scène avec un nouveau clip, Kuzula. Je l'ai regardé et c'est vraiment génial, où l'amour est le thème central, voilà. Elle y sera avec aussi Ving Ving et Pedro Mafam. On les écoutera dans la prochaine émission de LDT, ce sera vendredi prochain, juste à 19h, voilà. Si vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel 96.2, on continuera de parler musique et surtout musique lusophone. Et là, on va surtout ne pas oublier donc Pongo, qui en ce moment, voilà, elle a été récompensée de toute façon. Elle, mais en ce moment, c'est vraiment un coup de foudre. On dirait pas, mais c'est d'une très très belle qualité. C'est pas étonnant puisqu'elle a accompagné Bouraka dans une tournée internationale qui l'a amenée jusque notamment en Angleterre, le Japon, Allemagne, France, Suède, jusqu'aux États-Unis, et se sentant capable de voler de ses propres ailes. Donc cette chanteuse, elle décide de poursuivre une carrière en solo. Et voilà, c'est bien au-dessus de toutes nos espérances. Je vous dis bye bye, à vendredi prochain. Passez surtout un très très bon week-end. À vendredi prochain.